Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste. Une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée par Valentin Jiquel et mise en onde par Thomas Delafosse. Et la liste d'aujourd'hui est celle de... Mathieu Sourisseau. Bonsoir Mathieu Sourisseau. Bonsoir Jean-Philippe. Vous êtes guitariste, bassiste, mais aussi joueur de sous-bassophone. Né en 1969 à Marseille, mais maintenant résident dans le Lot-et-Garonne, vous êtes également connu comme un improvisateur solide, inventif, tout-terrain, œuvrant autant au sous-bassophone, donc, lorsque vous étiez membre de la Friture Moderne de Marc Desmereaux, qu'à la basse électrique, lorsque vous faites le Facteur Sauvage avec Daniel Scalette et Laurent Paris. Mais c'est à la basse acoustique que vous êtes forgé une singularité. D'abord parce que cet instrument est assez rare, mais également à cause de votre jeu. Un jeu rêche, cru, agressif, syncopé, mais en même temps onirique et léger, qui emprunte autant à l'urgence du rock qu'aux cordes du free des musiques africaines. D'ailleurs, parfois, on peut entendre le son du guembri lorsque vous jouez de la basse acoustique. Le guembri, cet instrument à cordes pincées, connaissez des musiciens gnaoui d'Afrique du Nord. On vous a vu et entendu dans des tas de formations, de Katz à la friture moderne, en passant par votre trio ou encore le quartet du Tigre des Platanes. C'est avec cette dernière formation que vous faites la connaissance lors d'un festival en Éthiopie d'Etenesh Wassier, chanteuse traditionnelle éthiopienne à la voix puissante, rock, allant du très grave au très aigu. Un duo naîtra de cette rencontre où votre basse chaude accompagnera, soutiendra et enveloppera les mélopées souvent sinueuses du chant sauvage d'Etenesh Wassier. Un duo devenu trio avec l'arrivée d'un contrebassiste, Sébastien Basquias, dont nous venons d'écouter Gonder, c'est bon, extrait du premier duo Sourisso Etenesh Wassier, premier album qui est sorti il y a à peu près une dizaine d'années. Vous avez toujours recherché, Mathieu Sourisso, à dialoguer avec différentes cultures, différents genres musicaux. Dernièrement, avec Sam Capiernaya, le musicien et chanteur marseillais de Dupin, de Gachampega ou de l'Acro. Et on vous a retrouvé aussi également, il n'y a pas très longtemps, avec le rappeur Mikey Ladd, avec le duo Reverse Witchinster, entre spoken word, blues et noise folk. Autant de répertoires, autant de rencontres, autant d'imaginaires qui dessinent au final le portrait d'un personnage curieux, un musicien ouvert et un homme discret dont nous allons essayer de saisir toute la complexité du parcours à partir d'une liste de 10 morceaux qu'il nous amène ce soir. Mathieu Sourisso, quelque chose à raconter avant que l'on commence à découvrir votre liste ? Non, il y a deux, trois petites coquilles, mais on rectifiera au fur et à mesure. Très bien, et on va découvrir ça tout de suite avec votre liste. Le décompte est lancé. 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti pour le premier morceau. Dansez sur moi, dansez sur moi, le soir de vos fiançailles. Dansez dessus mes vers luisants comme un parquet de Versailles. Embrassez-vous, enlacez-vous, ma voix vous montre la voie. La voie lactée, la voie clarté où les pas ne pèsent pas. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous. Et cette liste commence par Claude Nougaro, ce qui m'a assez étonné lorsque j'ai découvert la liste que vous m'avez envoyée il y a une dizaine de jours. Pourquoi Nougaro en tête de liste ? Ah, c'est vrai que ça peut être étonnant, on reste à Toulouse. Hein. Non, en fait, moi, c'est vers l'âge de je dirais, 12-13 ans, par là, comme ça, 13 ans. J'écoutais des groupes qu'écoutaient mes copains, on écoutait du rock'n'roll, nous on n'était pas loin de Fumel et de l'époque punk, j'avais plein de copains qui écoutaient vraiment des Dead Kennedys et autres groupes de punk. Et puis mon père avait plein de disques chez lui, beaucoup de classiques, évidemment du Brel, du Brassens, Brel à fond. Et il avait deux, trois disques de Nougaro dans celui-là, alors j'ai mis ça sur la galette et puis tout d'un coup... On ne l'a pas trop entendu dans le morceau, mais après ça démarre, le tempo s'emballe un petit peu, puis un solo de piano, tout ça, et puis tout d'un coup je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette musique-là ? Et j'ai demandé à mon père, il me dit, c'est du jazz. Je dis, c'est ça le jazz ? Non ! Pour moi ça a été une révélation avec ce morceau. Mmh. Et en me disant, mais c'est quoi cette musique quoi ? C'était le seul disque de jazz qu'il avait, à part du Armstrong aussi. Mais là ça m'a fait vraiment un effet incroyable. Quoi. Qu'est-ce que vous écoutiez à la maison Qu'est-ce qu'écoutaient vos parents et dans quelle ambiance vous avez baigné? C'est ce que je disais, c'est du beaucoup de classiques. Ah. Beaucoup de classiques. Et puis lui, il écoutait Brel à fond, Brassens. Il manque la trilogie Ferré, n'écoutez pas trop. mais surtout beaucoup de classiques. Vous avez aussi baigné dans cette ambiance très très rock et même punk. Alors moi pas trop. Après je me suis mis à écouter du punk, notamment les Dead Kennedys beaucoup plus tard. Et pour moi la révolution c'était une fois que j'avais découvert le jazz via Nougaro. Pour moi la vraie révolution c'était des gens comme Coltrane. Et mes copains, ils passaient du temps dans la salle de bain à se faire leurs grosses crêtes et tout ça pour sortir. Et eux, ils écoutaient vraiment les BRU et tout ça. Et moi, ça ne m'intéressait pas trop. La révolution, pour moi, ne se plaçait pas là. Niveau liberté, niveau énergie. Lorsque vous parliez du jazz et des improvisations de Coltrane, comment ils vous regardaient, vos copains? Un peu comme un extraterrestre, non? Bah, disons qu'il fallait l'écouter un peu tard le soir pour eux. Ça ne les intéressait pas trop, comme moi, j'étais pas trop intéressé pour les BRU à l'époque. La découverte après du jazz, elle se fait comment? J'écoute donc ce morceau de Nougaro, Danser sur moi, où mon père me dit donc c'est du jazz. Donc à l'époque, moi j'habitais Villeneuve-sur-Lot, il y avait deux ou trois magasins de disques à l'époque, sans parler des magasins d'instruments de musique, il y en avait aussi deux au moins. Et puis je vais dans le magasin et puis c'était tenu par deux dames qui m'impressionnaient, deux dames assez belles, je crois me rappeler, une blonde et une brune. Et puis je leur dis, voilà, j'ai écouté du jazz. Elle me dit, ah ouais, mais d'accord, c'est assez vaste, mais qu'est-ce que t'aimes bien comme instrument, toi? Je lui dis, moi j'aimerais bien faire de la guitare. Et elle me dit, ah bon, d'accord. Alors là, elle me sort un disque d'Abercrombie, Gateway, tu vois, avec Dave Holland et des Jonettes, et un disque de Pat Metheny. Donc voilà, donc j'écoute ça, je rentre. Ça me semblait un peu loin de ce que j'avais écouté. J'ai écouté ça avec beaucoup de curiosité en me disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Et en fait, voilà, c'est pour ça que ce morceau est important pour moi. Et cette visite dans le magasin de musique aussi, où tout d'un coup, voilà, ils ont peut-être commencé un peu fort, mais au moins, ça m'a mis un petit peu sur la voie, quoi. Et puis, sans doute un peu plus tard, vous découvrez cet artiste. Coleman, Lonely Woman, donc ça, c'est dans la continuité de ce que vous nous racontiez il y a deux minutes, aller chez les disquaires et découvrir des disques et demander des conseils, et c'est comme ça que vous tombez sur Ornette Coleman? En fait, il y a une grande étape entre les deux. Il y a eu l'apprentissage de la guitare. Donc on va peut-être commencer par là. L'apprentissage de la guitare, ça commence comment? Ça commence avec un prof hyper sympa, des copains qui dit ouais... Vas-y, toi tu vas faire la rythmique, moi je ferai les solos. Je dis ok, il n'y a pas de problème si tu veux. Et en commençant des trucs un petit peu jazzy, moi j'ai appris avec les accords à 4 sons qu'on fait plus dans le jazz, plutôt que les accords un peu folk au bout du manche pour s'accompagner aux chansons. J'ai appris comme ça. Mais bon, l'apprentissage est un peu long. Et donc du coup. Mais après, d'entrée, c'est quand même de la guitare jazz. Ah oui. Ça m'a direct marqué. Et du coup, voilà, je me suis mis à bosser à la guitare. Après. Des échecs scolaires successifs. Je suis parti faire une petite école de musique à Nîmes. J'avais 18 ans. Et en fait, là, j'ai appris, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens, mais c'est vrai que c'était des écoles qui étaient très, très branchées. Railbook, des standards de jazz, les vieilles chansons américaines qu'on reprenait instrumentalement. L'époque, Kind of Blue, Miles Davis, tout ça, c'était vraiment ça. Mais il me manquait vraiment quelque chose, quoi. Puis je suis découvert, enfin, Ornette Coleman, ça aurait pu être le rôle d'une école de faire découvrir ça. Là, les portes se sont ouvertes vers une musique beaucoup plus libre, beaucoup moins contraignante sur les 2-5-1, les trucs très scolaires qu'on doit faire à l'école, qui sont très bien pour apprendre. Mais du coup, Ornette Coleman, ce son un peu brut, un peu sauvage, c'est Don Cherry, la manière de Charlie Haden d'accompagner à la basse. Enfin, tout était nouveau pour moi, alors que c'était déjà une musique un petit peu ancienne. Mais c'est un truc qu'il fallait que je rattrape un petit peu. Et là, cette découverte-là, elle se passe comment? C'est qui vous incite à aller piocher dans ce répertoire-là? Je ne sais plus qui m'a fait écouter ça. C'est Bah, c'est peut-être Marc Demereau, hein. Peut-être. Underground, la période un peu déglinguée, j'allais dire, de Tom Waits. Et là, je ne parle pas de son mode de vie, je parle de la façon dont il avait d'arranger l'instrumentation de ses formations de l'époque. On a l'impression que c'est un big band fait de briques et de broc, avec un petit côté un peu cabaret berlinois. Il y a ce mélange-là. Tom Waits de cette époque, ça a été quelqu'un d'important pour vous ? Pour moi, Tom Waits, il a toujours été là. En fait, j'en ai pas parlé, mais il a toujours été parallèle et toujours présent. En fait, même par rapport à la musique jazz, tout ça. En même temps que j'ai découvert Nougaro, tout ça, j'ai écouté les premiers Tom Waits et j'en écoute encore et je les ai absolument tous. Et j'achète même des albums pas très recommandables de Tom Waits. J'ai tout, je pense. Enfin, j'essaie. Et je suis un vrai, vrai fan. Pour moi, c'est un génie. C'est un Kurt Weill. Musique un petit peu comme ça, complètement désuète, un peu d'armée du salut, rien n'est démonstratif, tout est toujours tout à sa place. Tom Waits, il dit, moi, quand je suis en studio, je suis assis dans un trône comme si j'étais le roi et c'est moi qui taille un petit peu à droite à gauche sans être un roi dictateur. Et un truc qui est très intéressant dans cet album, Swordfish Trombone, c'est que ce jeu de guitare qu'on a beaucoup entendu après avec Marc Ribot, mais c'est pas Marc Ribot, c'est Fred Tackett. Et c'est Tom Waits qui lui dit justement, joue comme ça. Et Marc Ribot a repris ce mode de jeu, ça n'enlève rien au talent de Marc Ribot, qu'on écoutera, je pense, tout à l'heure, je crois me rappeler. Mais c'est Tom Waits justement qui a fait bosser ces sons un peu skank, un peu très percussifs, tout chromatique. Et voilà, donc c'est un clin d'œil. Pour moi, c'est hyper intéressant. C'est un mec qui invente, qui a inventé sans arrêt. Archichep Blasé, autre saxophoniste, beaucoup de saxophonistes dans la liste que vous nous amenez ce soir. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est une époque où j'ai écouté beaucoup de saxophonistes, ouais. Plus que des guitaristes même. Ouais. Je reprenais des fois des phrases. Le sax m'a beaucoup influencé. Et donc là, Archichep ? Archichep, il n'y a pas que Archichep, il y a John Lee aussi, qui est quand même énorme. Donc John Lee, la chanteuse. Ouais. Puis tout le monde. Ostinato de basse, après on l'a pas, il faut un morceau de 10 minutes où vers la fin du morceau, il y a deux harmonicas qui arrivent, ils sont pas dans la bonne tonalité, enfin, c'est tout simplement... Moi je trouve ça incroyable. Et c'est tout ce que cette musique raconte, enfin pas au sens vraiment du texte des paroles, mais de tout ce qu'elle dégage en tout cas, cette musique, cette force, cette force qu'avec les Afro-Américains, avec leur histoire, et ça sort de nulle part ce son-là, enfin, c'est énorme quoi, c'est... Il faut vraiment vivre des choses pas très recommandables pour pouvoir jouer une musique telle qu'il la joue comme ça. Et cet état d'esprit-là qui est apporté par cette musique, vous l'avez vraiment absorbé ? Bah, en tout cas, j'espère m'en être un petit peu influencé. Mmh. Je l'ai beaucoup écouté. Et puis ça va avec aussi certaines littératures, certains films aussi, quand on découvre un petit peu tout ce qui a été fait par les afro-américains, par et pour les afro-américains. Vous dites que vous avez commencé à apprendre le jazz par le disque avant de vous lancer dans l'étude de la guitare. Vous étiez alors basé sur Villeneuve-sur-Lot. Comment vous en êtes arrivé à Toulouse ? Oh, le parcours a été... Les parcours sont toujours un peu sinueux. Donc après, moi, je suis parti, comme je disais tout à l'heure, à Nîmes, faire une petite école. De Nîmes, j'ai tenté un petit passage vers Montpellier. Cette ville ne m'a pas spécialement plu, on va dire. Et j'ai rencontré un copain de Montpellier, là, avec qui, des fois, on faisait quelques jams comme ça. Je lui ai dit, voilà, tu viens de Toulouse, moi, j'aimerais bien peut-être aller à Toulouse. Ça a l'air d'être un peu plus intéressant que Montpellier de vos musiques. Il m'a donné une liste de musiciens, j'ai rencontré plein de musiciens, c'est vrai que je suis resté quand même un petit moment à Toulouse. Et c'est comme ça que vous rencontrez Marc Desmereaux ? Oui, entre autres, ouais. Parce que vous avez fait quand même partie de la bande à Desmereaux pendant un petit moment. On peut dire qu'on a joué à peu près 20-25 ans ensemble, je pense. Ouais, on peut le dire. Qu'est-ce que vous gardez des débuts de votre arrivée à Toulouse ? C'est quoi ? C'est la rencontre avec plein de musiciens qui jouaient plein de styles, ou c'est directement le saut avec une bande de musiciens qui explorait ces chants un peu du jazz free des années 60 et 70 ? Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de rencontres de gens qui ont passé beaucoup de temps à écouter. On écoutait chez l'un, chez l'autre, beaucoup, beaucoup de musique. Et ça, c'est hyper formateur. C'est déjà écouter de la musique, on sait s'imprégner. Découvrir aussi énormément de choses. Des choses qui justement, moi, me manquaient. Des fois, on a envie de... Et puis la radio, des émissions à l'époque comme Canal Sud, tout ça, qui des fois faisait des émissions assez de musique assez aventureuse, on va dire. Et puis des concerts, aller voir beaucoup de concerts. Là, c'est quoi ? C'est année... 90 à Toulouse, on est à peu près par là. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de musique que maintenant. On avait le choix. Puis moi, j'allais aussi bien au Soluble à Saint-Michel voir des concerts de rock sauvage que des concerts de jazz à l'époque au Mandala, ou enfin un petit peu de tout. Et puis justement, voilà, avec toute la bande, Marc Desmereaux, tout ça, c'était une musique qui on commençait à faire un petit peu d'improvisation, à pratiquer le free. Comment est née la friture ? Alors la friture moderne, elle est née en fait avec, encore une fois avec Marc Desmereaux, d'une volonté commune. Et moi je commençais un petit peu à faire un petit peu de tuba, parce que justement j'avais un ami accordéoniste, Benoît Casamayou, qui souvent, avec qui on jouait, avec Marc et un groupe qui s'appelle les Cats. Ouais. Et puis on allait souvent jouer dans les bistrots pour se faire payer l'apéro, c'est vrai. Mais on faisait des trucs un peu déglingues, un peu rock musette, ou des fois pour rigoler, quoi. Il y a ce côté populaire qui me plaisait, mais à part que le rock musette, ça va 2 minutes. Et du coup, on a eu envie de monter quelque chose avec des cuivres, aller plus vers les gens, sortir des salles de concert, sortir de ce jazz, des fois un peu européen, un peu compliqué, dans lequel on était à l'époque. Moi, j'avais des parties de guitare à coucher dehors, enfin des trucs, il fallait bosser tout le temps. Et là, c'était quelque chose de beaucoup plus généreux et de convivial. C'est vrai que dans la playlist, j'aurais pu mettre, c'est peut-être un oubli, c'est d'avoir mis une musique un peu plus cuivre, populaire, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et donc, la friture, c'est 4 ou 5 albums, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de concerts un peu partout en France. Ouais. C'est vrai que c'est une histoire qui a vraiment marqué la vie culturelle toulousaine. À cette époque-là, il y avait 3-4 bandes de j'allais dire, de jazz à Toulouse. Il y avait tout ce qui tournait autour de la compagnie Messieurs Mesdames, de Didier Labbé. Il y avait la bande à Léogé, c'était le Big Band 31. Il y a eu celle de Caléja, le Jazz Time aussi. Et puis il y avait la bande à Desmereaux avec la friture moderne. Ouais, la friture est arrivée, je crois que nous on a commencé en 97-98. Mais oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Thank you. Autre découverte un peu marquante pour vous, c'est la musique éthiopienne. On vient d'écouter Tes états de Mahmoud Ahmed, immense musicien, chanteur éthiopien. La musique éthiopienne. Oh bah le flash, ouais. La découverte improbable. C'est quoi cette musique, quoi? C'est par un... Je me rappelle, c'est une copine qui m'a offert un album des Éthiopiques pour mes 30 ans. Et puis on a mis ça et tous les potes se disent « Mais c'est quoi cette musique ?» En fait, ils ont gardé leur mode, vraiment. Et ils ont récupéré les vieux orgues et les sax, et en fait, que les Italiens ont laissé lors de leur passage de leur colonie, quoi, pendant 5 ans. Ils ont laissé les vieux orgues, des instrus, tout ça. Bon café, des chaussures, pizza aussi. Ça, c'est le côté bien, quoi. Et là, vous parlez d'une collection de disques qui vous a aidé à découvrir ces musiques éthiopiennes, les Éthiopiques de Francis Falsetto, qui ont permis à toute une génération de musiciens de s'imprégner de ces musiques-là, qui sont effectivement la fusion de musique traditionnelle avec les cuivres qui sont venus d'Europe lorsque les Italiens ont envahi l'Éthiopie une première fois dans les années 97-98, et une deuxième fois dans les années 30. Avec le Tigre des Platanes, qui, à l'époque, était plutôt sur des musiques improvisées. En fait, avec le Tigre des Platanes, on faisait que des reprises. Ouais. C'était vraiment volontaire. Que des reprises à notre manière. Ouais. À l'époque, je faisais le sous-bassophone. Il y avait Pierrot Pimpin, trompette, Marc Demereau, saxophone, Fabien Duscombe, batterie. Et on a découvert cette musique via ce disque, et puis on s'est dit, tiens, on va écouter d'autres. Et on a repris deux, trois morceaux éthiopiens, mais vraiment, vraiment à notre manière. Et un enregistrement de concert est tombé entre les mains de ce fameux Francis Falsetto, qui dirige la collection des Éthiopiques, qui appelle, qui dit, oui, bonjour, Francis Falsetto. Oui, bonjour, Francis qui? Qu'est-ce que vous voulez me vendre? Et ben voilà, je fais partie de la direction éthiopique. Ah, oui, d'accord, ok, pardon. Et il nous dit, bon, la musique éthiopienne nous intéresse, vous savez que moi aussi, un petit peu. Donc, si vous voulez, moi, je vous ouvre mon disque dur, on monte un répertoire éthiopien et on part jouer en Éthiopie. Ah oui. Alors, du coup, on a dit, ouais, super. Donc, on fait Alliance Française à Addis Abeba, une autre à Diredawa. Et nous, on lui dit, bah, Francis, nous, on vient quand même des bistrots, quoi. On joue toujours dans les bars, ça nous ferait vraiment plaisir de jouer dans un petit boui-boui. Ah ouais, mais ça va être compliqué, on pourra pas vous payer. Non, on s'en fout, c'est pas grave, quoi. Et donc, on arrive là, et il y avait plein de musiciens éthiopiens, et qui en fait, nous ont écoutés avec des grands yeux, qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, mais attendez, en fait, vous occupez de la musique de nos grands-parents, quoi. Et nous, on n'en fait rien, vous en faites vraiment un truc, hyper étonnant, quoi. Je dis pas qu'on a inventé l'éthio-jazz, hein, du tout. Non, mais, peut-être pas, non. Mais voilà, on était en tout cas sur la vague au début, et c'est vrai que les musiciens qui faisaient tous Berkeley, tout ça, qui s'occupaient plus à des trucs un peu de faire du jazz rock ou tout comme ça, tout d'un coup, voilà, ils ont vu nous on en faisait, et ça les a quand même un petit peu titillés. Et nous, par contre, ça nous a donné complètement envie de continuer sur cette voie-là, sans jamais se transformer en éthiopien, évidemment. Et donc, on a demandé à Falsetto de nous présenter une chanteuse, d'où était née Choisy. Pourquoi une chanteuse? C'était la cinquième voix qui manquait au Tigre des Platanes? C'était notre souhait, en tout cas, on avait envie de ça. On avait vraiment envie d'une voix. Ouais. Donc, c'est vraiment le choix de Falsetto qui fait que vous rencontrez Tenech Choisy? Oui. Ouais. Il y en avait deux, et on a préféré Tenech. Et ça a été le début d'une aventure, là aussi, au long cours, avec le Tigre, ça a duré une bonne dizaine d'années. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Un petit peu moins, oui. Oui, moins, nettement moins. Et puis, pendant que Etenech et le Tigre des Platanes enregistraient un album et puis se produisaient pareil partout en France et en Europe, vous avez commencé à imaginer un duo avec elle. On a l'impression qu'il y a eu un flash entre vous et elle. C'est ma sœur. Hein. Après, en duo, on a énormément tourné dans toute l'Europe. Mmh. On a bien bougé en duo, en fait. Quoi. Et il y a eu quelque chose de très fort entre nous. Vraiment très, très fort. Parce que déjà, moi, j'avais envie de lui donner de la place, d'utiliser sa voix différemment. Évidemment, quand on est en groupe, il y a beaucoup plus d'instruments, il y a moins de place. Et voix basse, ça a toujours été des duos qui fonctionnent bien. avec quand même un sacré travail de connivence entre vous deux, parce que c'est pas simplement un accompagnement classique d'une chanteuse. Vous faites aussi la deuxième voix de ce duo. Disons que on a une méthode de travailler un peu enfin, qui est la nôtre, spéciale, je pense pas. Mais moi, je l'enregistre chez une espèce de banque de sons de chants. Et c'est des chants traditionnels. Et moi, je recompose la musique par-dessus. J'écris la musique par-dessus, sans connaître vraiment l'original, quoi. Et après, on retravaille ensemble à partir de ça. Et c'est vrai que Ténèche Wassier, elle prend de plus en plus de moments d'improvisation. Il a fallu du temps pour ça. Il a fallu du temps, il a fallu beaucoup de confiance. Et après, les choses sont quand même assez balisées. Elle a vraiment besoin de ça. C'est son mode de jeu, comme souvent les trades. Hein. Ils partent sur un morceau, on peut leur faire n'importe quoi derrière. Une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Ça, c'est assez drôle. Mais non, puis oui, il y a cette histoire de confiance. Et puis justement, j'aime vieillir avec les projets. Sa voix a changé. Mon jeu a probablement changé aussi. On est appelé un peu vers d'autres choses. Et avec ce duo, on a fait des rencontres magnifiques. Notamment, on a fait toute une série de tournées avec Amin Drake, ce fabuleux batteur américain. Et voilà, en Norvège, on a rencontré des gens aussi du Punkt Festival. On a fait pas mal de choses ensemble à Paris et en Norvège. Donc des rencontres à chaque fois super bien. Des rencontres impromptues. La dernière rencontre pour ce duo, et Ténèche Wassier, Mathieu Sourisseau, c'est la rencontre avec Sébastien Basquias, un contrebassiste qui a rejoint votre duo, donc c'est maintenant un trio, et avec lequel vous allez bientôt enregistrer. Oui, en fait, on a enregistré avec une violoncelliste. Après, on n'a pas continué la collaboration avec elle. En fait, on a adapté le violoncelle en contrebasse. Moi, j'avais envie un petit peu d'ouvrir l'harmonie, de pouvoir écrire aussi d'autres choses. Donc, on a vraiment réadapté les parties violoncelles à la contrebasse. Là, les derniers morceaux qu'on fait, c'est le même fonctionnement, même boulot. C'est-à-dire que moi, j'écris sur la voix de Ténèche. Et là, par contre, c'est Bacchus qui refait lui-même ses propres parties. Bacchus, Sébastien Basquias. Bacchus, Bacchus. On vient d'écouter ZX, vieux groupe de punk hollandais, mais qui s'est frotté à plein d'autres esthétiques. Ils avaient d'ailleurs joué avec un saxophoniste éthiopien à un moment donné. Getachew Mekoria. Ouais. Pourquoi ZX, et après on parlera effectivement de ce que l'on vient d'attendre. C'est quoi? C'est une basse acoustique sur ce morceau ou c'est de la guitare? Là non, c'est de la basse électrique. C'est de la basse électrique. Après Lucas s'est mis à la basse acoustique, là c'était basse électrique. En fait, moi, c'est un moment, un concert, festival Mimi, plein de l'accro, plein de moustiques. Là, ils sont avec Tom Corin et ils jouaient ce morceau. State of Shock. Et là, moi, je suis resté coulé à mon siège, mais vraiment, quoi. Je veux dire, mais c'est ça, cette musique que je veux faire. Cette énergie avec cette mélodie, ça allie le rock, ça allie le free, des choses très simples, très mélodiques, très populaires, comme un thème de trompette. Moi, j'ai trouvé, en fait, tout là-dedans. Et ce qui est super, c'est que j'ai eu la chance de leur dire, parce qu'on s'est rencontrés pas mal. Chaque fois qu'on va en Hollande, on va chez eux. Et savoir que Terry, un des guitaristes de ZX, chez lui, tout est éthiopien. Et toutes les décorations sont éthiopiennes. Il n'y a que des tableaux, des sculptures, des objets. Il a complètement flashé sur l'Éthiopie. Donc évidemment, on s'est croisé énormément avec Ténèche. Et faire des coplateaux beaucoup avec eux. Et c'est là où j'ai eu la chance de leur dire à quel point c'est bien, il m'avait marqué, quoi. C'était sympa. Et lorsque vous les écoutez dans ce festival, le Mimi, vous en étiez où? Ben moi, j'en étais à vouloir un peu sortir du jazz. Et c'est vrai que la chronologie n'est pas hyper juste, en fait, dans ce que j'ai fait, parce que c'était avant la période éthiopienne, tout ça. Et je faisais des choses qui... Ça, manquait une énergie rock'n'roll. Quoi. Et c'est vrai qu'en écoutant ce morceau, on entend ce qui est maintenant votre jeu de basse acoustique, mais vrai, et ce qui est aussi votre jeu de guitare. On l'entend, cette façon de mouliner avec le médiateur sur les cordes, cette façon de jouer sur le bas du manche et pas forcément que sur le haut, cette façon d'accélérer le rythme. Alors, je sais pas si tout à l'heure ça passait un petit peu dans nos oreilles, dans le casque, je sais pas si c'est passé à l'émission, le morceau Gondère, c'est bon, avec Etenech. Oui. Boissier avec Gaspar Claus au violoncelle et Alex Pic à la batterie. Et là, la basse, c'est vraiment un clin d'œil. Asiex. Ah, mais carrément. Ah, oui, mais vraiment. Ah, carrément. Vraiment, vraiment. Ah, ouais. Et petit à petit, vous avez intégré cette façon, ce que vous aviez entendu de ce concert de Asiex dans votre jeu. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Oui. Ouais. Ouais. À partir de là, ça, c'est comment? Vous essayez des trucs, vous vous enregistrez, vous trouvez des plans en disant celui-là, il faut que je le mette dans un coin, c'est un bon, je vais m'en resservir. Comment ça se passe, cette invention un peu de ce style de jeu? Il faut faire attention entre l'influence et le plagiat à la fois, hein, ça c'est clair. Après, tout ce qui est leur rythmique, bon, toujours en 6-8, hein, tagadagam, tagadagam, tagadagam, tagadagam. Bon, voilà, ils en abusent, on en entend énormément dans plein de musique africaine. Et c'est vrai que, bon, plein de musique africaine est basée sur ces rythmes-là. Donc, eux, ils l'ont vraiment électrifié. Et nous, après, c'est trouver la manière de s'approprier ça, justement, que ce ne soit pas du plagiat. Vous parliez de l'Afrique, c'est vrai que c'est un continent qui vous intéresse énormément. Il y a cette partie de découverte de l'Éthiopie, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, mais il y a aussi l'Afrique de l'Ouest, où vous êtes allé très très souvent aussi. Ouais, mais j'étais déjà marié plus de 10 ans avec une Burkinabé. Oui, bon, ça aide pour ça aller... Ça peut aider de temps en temps là-bas, puis très, très intéressé par les musiques mandingues à l'époque du Mali. Qu'on peut entendre aussi au Burkina, puis j'ai beaucoup été aussi au Sénégal, Afrique de l'Ouest. Cette musique de cette partie de l'Afrique, elle a aussi eu beaucoup d'importance dans la façon dont vous jouez. Il y a tout qui compte. J'ai bossé au Maroc aussi, il y avait ce côté gamré aussi, on en parlait un petit peu. On rencontrait des musiciens là-bas, justement, qui jouent du gamré. Et donc, évidemment, que toutes les influences... C'est ce qu'on dit, plus ça va et plus l'étau se resserre, parce que je me sens moins capable de faire plein de musique comme je me disais capable de faire avant. Mais les influences sont là, et puis le fait d'être un jeune musicien, quand on arrive à la cinquantaine, finalement, on sent que c'est pas tout à fait faux. Qu'on arrive à cibler des choses et sans rien avoir prouvé, quand on a vraiment digéré toutes ces influences, enfin en tout cas... Ça prend plus ou moins de temps. Maintenant, on voit des jeunes musiciens qui arrivent à le faire hyper rapidement parce qu'ils découvrent via les réseaux sociaux. Nous, on avait pas ça à l'époque pour découvrir plein de trucs. Mais ça prend le temps que ça prend. Mais c'est vrai qu'il faut... chaque influence compte. Donc que ce soit aussi bien l'Ouest, l'Est, le Maroc... Maintenant, au point où vous en êtes, donc il y a 3-4 formations avec lesquelles vous jouez beaucoup. Il y a Reverse Wichenster, il y a ce trio Facteur Sauvage aussi, avec Daniel Scalier et Laurent Paris. Il y a ce trio avec Etenech Ouassier et Sébastien Basquiat. Vous avez trouvé votre style, que ce soit de guitare ou de basse acoustique, puisque c'est les deux instruments que vous utilisez dans ces 3 dernières formations. Déjà, il y a une chose est sûre, c'est qu'on a écouté beaucoup de saxophones, mais on a écouté beaucoup de voix aussi. Et maintenant, je travaille exclusivement quasiment plus qu'avec la voix. Et ça m'intéresse énormément de pouvoir placer la voix, les accompagner, trouver un accompagnement particulier. Et j'aime vraiment la chaleur de cet instrument qui est la voix. Et après, moi, évidemment, de trouver une manière assez singulière de les accompagner. J'ai des amis qui me disent, tu vois, quand on écoute ton boulot, que ce soit bien, que ce soit rock'n'roll, Facteur Sauvage, Mike Ladd, où je fais de la guitare, on trouve un lien, en fait, dans tout ça. Mes amis vraiment me disent ça, et puis bon, c'est le meilleur des compliments qu'on puisse me faire, en fait, quoi. que ce soit un truc très électrique ou très acoustique. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Tom Waits, de Marc Ribot, compositeur, musicien important, autant pour le versant jazz, on l'a notamment vu entre autres avec les Lounge Lizard, mais il a aussi joué avec Fred Frith, il a aussi joué avec Tom Waits, on le rencontre un peu partout, ce guitariste. En quoi il est important dans la façon de trouver votre style? Bah, il a, lui, en parlant de style, il a très très bien trouvé son style, et assez rapidement. C'est une esthétique qui me touche vraiment. Cet album, si j'aurais pu prendre n'importe quel morceau de cet album, de Silent Movie, et il y a une chose qui est très très proche, moi naturellement, ce que je ferais. Donc encore une fois, il faut faire gaffe parce que ça ressemble pas trop à du Ribot, mais je suis content parce que le mois dernier, je l'ai rencontré. On s'est fait un brave selfie dans les bras. Et j'étais très, très content de le rencontrer, de lui dire à quel point il avait été important pour moi. C'était la première fois que vous le voyez? C'est la première fois qu'on se parlait. Oui, qu'on se parlait. Ouais, on a partagé un plateau en fait, à Banlieue Bleue. Oui, et puis vous avez partagé plus qu'un plateau. Vous faites plein de choses en dehors des groupes dans lesquels vous jouez. Et là, vous faisiez jouer des mamies. C'était mes mamies guitares. Voilà, ouais. Vous faisiez jouer des mamies qui n'avaient jamais joué et jamais touché une guitare électrique de leur vie. Et en peu de temps, vous les avez montées sur scène à Banlieue Bleue. Ouais, une semaine de boulot. Bon, après, si on passe sur les mamies guitares, on en a pour... Il va falloir arranger l'émission ou écouter moins de musique, je sais pas. Mais en fait, oui, donc du coup, là j'ai rencontré Marc Ribot et oui, c'est une de mes principales influences en fait. J'aime vraiment son son, j'aime vraiment comment il se place, j'aime vraiment quand il est rock'n'roll, blues, enfin, j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que vous écoutez depuis longtemps ou c'est une découverte récente? Depuis hyper longtemps. Ouais. Et c'est vrai qu'en écoutant votre jeu, parce que vous le disiez tout à l'heure, ça fait 25 ans que vous jouez sur la scène toulousaine. Donc ça fait 25 ans qu'on a l'occasion de vous écouter avec plein de formations différentes. Et on se dit que plus ça va, plus vous allez vers les purs. Ce qui est aussi la démarche de Marc Ribot. Alors, le dernier concert que je l'ai vu, c'est carrément l'inverse, parce que lui, il est revenu, en fait, à ses premiers amours. C'est-à-dire qu'il était en trio avec batterie, orgamon, et c'était vraiment hyper jazz. Et il faisait des phrasés jazz. Avec plein de notes et plein d'accords. C'est ça. J'ai moyennement apprécié le concert, mais bon, il y avait quelques trucs qui sortaient qui sont venus. Mais justement, il avait envie de boucler une certaine boucle, parce que c'est un vieux monsieur maintenant. Et de refaire en fait ce qu'il faisait quand il était jeune, c'est par quoi il a commencé. Ouais. Pour en revenir à vous, cette recherche de l'épure, vous y êtes en plein? Bah, ça vient naturellement. Oui, on enlève un petit peu les choses inutiles. Et qu'est-ce qu'il y en a dans notre vie, des choses inutiles qu'on peut faire, qu'on peut dire. Et c'est vrai qu'on se dit, vous parliez de votre intérêt pour la voix, c'est peut-être en ça aussi que votre accompagnement est toujours pertinent par rapport à la voix des Ténèches Oissiers, par exemple, ou la scansion d'un Daniel Scalier ou d'un Mike Ladd, c'est qu'effectivement, vous n'essayez pas de prendre la place, mais vraiment d'envelopper les voix avec lesquelles vous jouez. Et cet enveloppement nécessite finalement... De pas mettre tant que ça. Non, on pourrait rajouter Sam Carpegna aussi, avec qui on commence un trio avec Nicolas Laforest. Voilà, un autre guitariste. Ouais, avec qui je joue aussi. Avec ça, moi, je joue pas mal en duo. Donc, de l'acro, j'ai remplacé assez souvent. Donc voilà, c'est aussi une voix très, très singulière, encore une fois. Mais c'est sans aucune prétention, parce qu'ils ont leur propre... Mais c'est les amener, par exemple, Mike Ladd, qui est un rappeur, hein, un rappeur américain, qui fait aussi beaucoup de spoken word et tout ça. Ben moi, ça m'intéressait de le faire chanter, mais sans lui demander. C'est-à-dire, dès d'écrire des morceaux, je savais qu'il allait forcément chanter délicieusement un petit peu faux, ce que j'adore. Et c'est comme ça qu'on arrive à bosser. Je ne vais pas lui dire, bon, maintenant, tu vas changer ta manière de chanter, tu vas faire ça, parce que je te demande de le faire. Déjà, je n'ai pas cette prétention, puis je ne pense pas que ce soit une bonne méthode. Et Tena, c'est pareil, il a fallu beaucoup de temps d'essayer, et puis petit à petit, qu'elle arrive à comprendre et puis à s'approprier vraiment ce travail-là. Maintenant, c'est gagné, quoi, depuis longtemps. Sourisseau, on écoute toujours les morceaux que vous avez inclus dans cette liste de 10 morceaux que vous nous avez amenés ce soir. Et là, vous allez nous en dire un peu plus sur cette chanteuse dans un groupe-là qui s'appelle Evangelista. Carla Vozolic. Voilà. Ah ouais. Quand on entend ça, le pouvoir aux femmes un peu. Quoi. C'est... Oui, il y a une John Lee, moi, évidemment. La part féminine dans la musique, c'est... Puis elle est c'est quelqu'un d'important qui a vraiment son langage, sa pertinence, son jeu singulier. Ah oui, singulier, oui. Ah oui, et là, on est aussi dans ce que vous pouvez fabriquer actuellement en musique, cette espèce de mélange de free, de noise rock, d'énergie débridée. Et c'est vrai que vous êtes aussi sur ces formats-là, que ce soit avec Winchester, que ce soit avec Facteur Sauvage, ou que ce soit avec Étienne Choissier. Ouais, dans l'esthétique, peut-être un peu plus Facteur, parce que c'est quand même beaucoup plus électrique. Mais encore une fois, les influences, quoi. Toutes ces espèces de grandes marmites où on met tout dedans et puis il en sort ce qu'il en sort. Cette chanteuse, vous la découvrez comment? Alors ça, c'est ma compagne qui m'a fait découvrir. Si elle m'a aussi fait découvrir plein de musique, beaucoup plus underground, on va dire. Et voilà, ou moins, comme il y a des... Par exemple, je ne connaissais pas Diamanda Galas, j'aurais très bien pu mettre un morceau de Diamanda Galas qui est aussi une chanteuse fabuleuse. Et j'ai choisi Carla, pour justement ce côté assez électrique des glingues. Et qui n'est pas sans rappeler l'univers de ZX, par exemple. Ah ben complètement. Ouais. Et c'est des musiques qu'on entend aussi dans des festivals de musique expérimentale, dans lesquels on joue avec Etenech d'ailleurs. We'll be right back. Avant-dernier morceau de votre liste, Mathieu Sourisseau, Bill Horcutt. Deux mots sur ce musicien. Alors, Bill Horcutt, c'est un musicien blanc, informaticien, qui joue très très peu, qui joue très peu, assez peu en France, et qui a un langage du blues qui est quand même plutôt très personnel, on va dire. On va dire un peu déglingué. Légèrement déglingué. Mais qui va là, c'est encore une fois, c'est un musicien qui a trouvé, qui a trouvé son trait, qui a trouvé son son, qui a trouvé qu'il se désaccorde. Moi, j'adore quand il est à la guitare, guitare acoustique. Mmh. Il n'a plus que 4 cordes sur sa guitare. Il fait des accords un petit peu particuliers. Là, il était plus sur, sur du... je crois que c'était plutôt Van Halen, ça. Enfin, bon, il reprend des chansons, comme ça, on reconnaît rien. Bon, bref. Et influence aussi énorme, et utilisation de la guitare qui est propre à lui, qui est c'est pour ça, c'est quelqu'un de très très intéressant d'avoir trouvé son, le langage qu'il a. Il a des groupes aussi qui sont bien très très énervés. Morceau de votre liste, Mathieu Sourisseau, avec Eureka de Jim O'Rourke. Là aussi, personnage important. Un musicien très important, ouais. Ouais, dans ses compositions, dans son jeu de guitare. La première fois que je l'ai vu écouter, c'était à Marseille. Il était en solo, en guitare acoustique. Et après, je l'ai beaucoup écouté avec un musicien que j'aime beaucoup aussi, David Krups, dans Gaz del Sol. Et après, moi, j'aime ce musicien qui a beaucoup compté aussi. Puis c'est ce morceau, pour moi, c'est aussi une période un petit peu américaine, un petit peu Chicago. Et parce que j'ai joué avec le trompettiste qui fait le thème. Donc oui, un honneur pour moi, Rob Mazurek. Et oui, parce que vous avez fait partie, à un moment donné, d'une des formations qui, dans le cadre du Bridge, c'est ça. Cette opération transatlantique qui amène des musiciens américains jouer en France avec des musiciens européens. Et il y a le match retour. Voilà. Les Européens partent à Chicago pour aller jouer avec des musiciens de là-bas. Et vous avez fait partie d'un épisode du Bridge. Oui, et donc du coup, moi, j'ai commencé par Chicago. Mm-hmm. Et il s'avère que c'était avec Rob Mazurek, donc qui joue de la trompette sur ce morceau, qui fait ce magnifique thème. Et dans nos modes d'impro, c'était des modes d'improvisation assez... pas bruitiste comme des fois on peut entendre, c'était un petit peu des compositions spontanées, des choses qui prenaient vraiment le temps. Et ce morceau vraiment m'en fait, j'ai pas la prétention qu'on faisait des morceaux comme Eureka à chaque fois, mais on était sur ce mode de composition où avec donc ce fameux trompettiste qui a joué beaucoup avec Jim O'Rourke et qui n'explosait réellement jamais en fait. On travaillait sur des tensions parce que la musique improvisée, ça part doucement, ça ouais. pète, c'est comme dans les matchs de kung-fu, ouais. tous ouais. par se battre. Et ça finit par un peu l'artifice. Exactement. Et là, en fait, à chaque fois que ça devait exploser, ça n'explosait pas. Ouais. Et c'était vraiment bien. Et c'est un morceau qui, moi, me rappelle toute cette période en fait ouais. de tourner à Chicago. Quand on écoute votre liste et on vient de l'écouter jusqu'au bout, on arrive à voir le cheminement qui a été le vôtre pour arriver à ce que vous faites actuellement. On part sur une période de jazz assez classique et petit à petit, on vous voit enlever des notes, on vous voit enlever des cordes lorsque vous arrivez à jouer avec une basse acoustique et on a l'impression que vous êtes dans cette démarche-là, d'enlever et de dégraisser le plus possible. Ouais, c'est ça. Ah. C'est carrément ça. C'est vrai qu'on n'est pas passé par là, mais j'ai eu ma période d'apprentissage de guitare un petit peu à la Scofield et tout ça. Hein. J'avoue, j'en suis passé par là, sans aucune honte d'ailleurs. Mais ça n'a plus rien à voir. Je joue plus du tout de la même manière. Mmh. Ça n'a rien à voir. Je suis incapable de faire un solo de guitare. Oui, j'allais dire. Puis ça m'intéresse pas tellement. Le solo de guitare n'existe pas dans votre musique. Il n'existe plus. En quoi vous dites ça ne m'intéresse pas? C'est je suis passé à autre chose. Voilà, pour moi c'est trop bavard. Puis j'ai pas la prétention de pouvoir faire des solos. Souvent ça m'ennuie. Il y a d'autres moyens de faire des plages musicales que de dire. Puis c'est trop égocentrique les solos. Il y a une chose qui me plaît pas là-dedans. Je préfère, c'est comme jouer en solo. Je le fais de temps en temps, mais s'il faut trouver les formes. Et j'aime bien être avec des copains dans la voiture. Avant, après, en fait. C'est quoi faire de la musique pour vous, aujourd'hui? Pour moi, c'est un équilibre. C'est la musique, c'est une chance de l'avoir. Enfin, de l'avoir, chacun à sa manière. Peut l'avoir, peut la dompter. C'est tout. C'est passer la tristesse, c'est passer la colère. C'est des moments de bonheur, c'est des moments dans lesquels on peut tout exprimer. Mmh. Et des grands moments de sensibilité aussi, de défoulement. Ça passe partout, en fait. Tant que c'est une musique honnête, qui ne se dit pas commerciale. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup de musique, mais il faut qu'elle soit honnête. Dans n'importe quel genre, style et genre différent. Écoutez, merci Mathieu Sourisseau d'avoir passé ce moment avec nous autour de cette liste de 10 morceaux que vous nous avez amenés aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci à Valentin Jiquel d'avoir réalisé ce 46e numéro de la liste. Merci à Loïc Laporte d'en avoir composé le générique. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt. À très vite.